Vous écoutez? La croche-oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1. Sur le poste, une aventure que l'on capte aussi sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver à l'écoute en ce début d'année 2025 que je vous souhaite des plus heureuses. On va entendre ce soir les projets de deux artistes inspirés par la poésie des territoires et l'avenir du monde vivant. Je vous présente en seconde demi d'émission Matthew Sage, un créateur du Colorado qui est tout aussi sensible aux sonorités électroniques qu'à celles captées en nature. Cela dit, j'accueille d'abord la musicienne, artiste sonore et activiste Sylvie Chonard, qui mène depuis plusieurs années maintenant un projet artistique inspiré de préoccupations sociales, poétiques et politiques, des préoccupations transversales dans l'espoir d'un monde différent, davantage bienveillant, un monde plus ouvert. Sylvie lançait en octobre 2024 un album de création très riche, je dirais envoûtant, un projet qui s'intitule « Les lieux cinéma », 11e album ayant pour thème « Les lieux ». On va prendre le temps d'écouter ce soir quelques pistes de ce projet très réussi, inspiré des aventures filmiques de l'artiste. Et je lance ça avec la création intitulée « Épilobe », une évocation filmique et sonore, qui sait, de cette compagne de nos forêts, fleur complice de l'immortelle blanche, dont la floraison, dit-on, ne dure qu'un jour ou deux. Alors on écoute ça. Thank you. On vient d'entendre Épilobe, une création tirée de l'album Les lieux cinéma de Sylvie Chonat. Compositrice et musicienne accomplie, rompue à l'usage des technologies sonores et visuelles, Sylvie crée, invente, imagine depuis son chef-lieu à Portneuf-sur-Mer. On est en Haute-Côte-Nord. Alors, de la poésie engagée, des œuvres musicales, des vidéos d'art, des expérimentations sonores et des installations. La plupart de ces projets sont en lien avec une réflexion sur le sens, la solidarité, l'ouverture aux autres. Ces réalisations qu'elle regroupe sous l'intitulé « Projet de la baleine » sont éloquents. Vous trouverez ça sur la toile à l'adresse lesprojetsdelabaleine.net. Ce sera en référence sur le site de la Croche-Oreille. Alors voilà, on écoute un deuxième extrait de ce récent projet de Sylvie Chonard intitulé « Les lieux cinéma », une trame cette fois intitulée « Dessine-moi un happening ». Comme c'est une longue pièce, ce sera un extrait. Alors on écoute cette belle pièce. Thank you. À propos de son album « Les lieux cinéma », Sylvie Chonard nous raconte avoir rassemblé une série de trames sonores de quelques films ou vidéos réalisés entre 2021 et 2024 pour des expositions ou encore des présentations d'installations. L'album est une histoire de découverte et d'immense plaisir que nous procure, dit-elle, la démocratisation des moyens de création et de diffusion cinématographique. Issue d'une pratique de recherche et d'expérimentation, on retrouve sur l'album des pièces instrumentales en solo, explorant la guitare, le synthétiseur, l'échantillonnage et la voix, tout ça inspiré par des paysages environnants de la Côte-Nord, de la vie de famille, la vivacité des enfants, la paix souhaitée, des préoccupations sensibles pour Sylvie Chonard. Alors, on complète la demi avec un extrait d'une pièce très belle intitulée « L'hiver dans le corps, hommage ». Eh bien, voilà, salutations Sylvie, et puis on écoute un autre extrait de ce bel album. Et bien voilà ce qui complète la demi, de retour dans pas longtemps autour des derniers travaux sonores de l'artiste américain Matthew Sage. Alors à tout de suite. Vous écoutez CKRL Radio. Vous écoutez La Croche Oreille. Eh bien, vous écoutez La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL de 89.1. Gaëtan Gosselin avec vous jusqu'à 22h. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile, comme d'habitude. Bon, je vous présente en seconde demi les créations d'un artiste sonore américain qui a pour nom Matthew Sage. C'est un gars qui a transité du Colorado, son lieu de naissance et d'adolescence, vers la région de Chicago, histoire de faire des études supérieures dans le domaine des arts et devenir artiste, puis ensuite enseignant accompli dans le domaine des médias. Il est aujourd'hui, Matthew, de retour dans ses territoires d'origine, le Colorado. On raconte que cette pérégrination territoriale a fait du musicien Matthew Sage un artiste d'abord sensible aux sonorités électroniques, interpellé ensuite par les sonorités du monde vivant. Sage n'hésite pas pour gravir les montagnes, arpenter la plaine pour enregistrer du son, histoire de nous rappeler, dit-il, que les humains devraient être les gardiens de la Terre. Alors, grande préoccupation pour le sort de l'environnement. Je vous propose ce soir quelques extraits d'un très bel album intitulé « The Wind of Things », le vent des choses, là, je traduis ça rapidement, un album publié chez Geographic North, un label sensible aux déambulations sonores. C'est une offrande sonore très personnelle, dit-on, inspirée par la vie pastorale, entourée d'eau et de montagnes sauvages. Ce monde naturel, soufflé par le vent, surgissant de la mémoire intime de Sage. Alors, je referme les guillemets. On raconte qu'il abandonne avec cet album les sons de synthé qui ont fait son succès à une certaine époque pour du son entièrement acoustique et naturel. En somme, beaucoup d'instrumentation musicale au travers une nature omniprésente. Alors, on écoute un premier titre intitulé « Cloud Plexus ». Vous allez comprendre de quoi il s'agit sans aucun doute dans l'univers des nouvelles musiques. C'est tiré de l'album The Wind of Things. Thank you. Alors, on vient d'entendre une création de Matthew Sage, Cloud Plexus, tiré de l'album The Wind of Things. Matthew Sage, musicien, compositeur, artiste sonore, animateur de nombreux labels et enseignant. Il a fréquenté la School of Art Institute of Chicago pour étudier l'écriture et les arts interdisciplinaires. Sa pratique artistique comprend le son, le dessin, la sculpture, les arts numériques et l'histoire de l'art. Il a exposé des œuvres d'art en solo, en groupe et en collaboration au sein d'institutions très prestigieuses, là, le Whitney, le MoMA PS1, l'Art Institute of Chicago, et bon, j'en passe quelques-uns. Je vous présente ce soir quelques extraits d'un très bel album intitulé « The Wind of Things ». Matthew Sage raconte avoir fait appel à une myriade de collaborateurs de longue date pour réaliser et développer, dit-il, le potentiel mélodique des enregistrements qui imprègne cet album, incluant bien sûr des captations en milieu naturel, bon, des lacs, des montagnes et des rivières sur lesquelles il a grandi, marché, nagé, rêvé aussi, dans la campagne du Nebraska, les étangs du Texas, les ports et les plages du lac Michigan. On va écouter un enchaînement de deux titres, une méditation pleine d'espoir intitulée Spinnaker on South Lie, qui exprime, dit-on, le calme avant la tempête, qui est Hinked Way Out, une réflexion sur la mélancolie associée au monde maritime. Alors, on écoute ça. Thank you. Eh bien, je termine la séquence avec des extraits du tout dernier album de Matthew Sage, lancé celui-là en 2023. Ça s'intitule « Para Yellowgram », un titre d'album mixant couleurs et géométrie, le fruit d'une collaboration vraiment très réussie avec l'artiste visuel et musicien Xander Raymond. Je vous cite la glose enjouée des créateurs à propos de ce projet, j'ouvre les guillemets, « Les synthés modulaires ruisselants qui font la danse avec le piano, la clarinette, le violon, la guitare, les percussions et des phonographies qui évoquent des environnements pastoraux. Somme toute, la bande-son idéale, raconte Raymond et Sage, pour ralentir et observer le monde naturel. » Je referme les guillemets. Je suis assez d'accord avec eux. Très beau projet. On écoute ensemble une pièce intitulée John Emerson's Para Yellowgram. C'est tiré de l'album Para Yellowgram de Xander Raymond et Matthew Sage. Tout ça enregistré depuis Chicago et le Colorado. Alors on y revient à cette histoire de territoire. Alors on écoute ça. Thank you. Eh bien voilà que l'émission tire à sa fin. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir ainsi que les émissions produites jusqu'à maintenant sur le site La Croche-Oreille. Grand merci aux artistes Sylvie Chenard, Matthew Sage et Xander Raymond ainsi qu'aux artistes collaborateurs, collaboratrices de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres. Alors salutations en passant à Sylvie et Matthews là, pour m'avoir transmis du matériel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. On termine la soirée sur des sonorités de Matthew Sage. C'est tiré de l'album Para Yellowgram, réalisé avec Xander Raymond. Voilà, depuis les studios de CKRL dans le quartier Limoilou à Québec, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.